on continue et on clôture la spé française avec la doublette suivante, un extrait du nouvel album de Decline of the Eye qui entame un nouveau chapitre sur le label Agonia Records. L'album s'appelle Johannes. On l'a déjà largement présenté la semaine dernière. Peut-être bénéficiera-t-il d'un petit focus ou tout du moins d'un spotlight. Spotlight, c'est la version courte des focus hein, qu'on présente d'ailleurs sur notre page Facebook deux fois par semaine à peu près. Et à chaque fin de mois, on refait une petite compilation de l'ensemble des focus et spotlight sur notre blogspot. Voilà donc Decline of the Eyes avec le titre Tethering the Transient. Et ensuite, une autre nouveauté pour clôturer l'aspect française. Echo Shure, formation death metal française, chantée en français avec un jeu de mots dans le nom du groupe, parce que c'est Echo, genre l'écho, et ça forme le mot écorchure. J'avoue qu'on n'a pas encore bien saisi toute la subtilité de ce jeu de mots, pour autant qu'il y en ait une. Voilà, au niveau du sens dans le nom du groupe. Donc voilà, formation death metal qui a vu le jour en 2016 du côté de Cholet. Deuxième sortie studio, un EP. Voilà. J'enregistre assez tardivement l'émission, donc voilà, vous aurez tout en direct. J'évite au maximum de faire les coupures, on est sur du one shot pour garder cet esprit live, hein, parce que le dimanche soir ça m'arrivait régulièrement de bailler. Là on a beau être mardi soir, il est 22h30, je baille également, histoire de garder toujours cette petite proximité avec le live. J'étais donc sur la présentation de Écorchure, donc voilà, death metal français, chanté en français, les textes sont plutôt intelligibles en plus. Musicalement, on est sur quelque chose d'assez classique. C'est vraiment les parties vocales qui apportent toute la richesse de la musicalité d'Écorchure, parce qu'on a l'impression souvent d'avoir un dialogue sur les deux voix death, et puis quelques petits passages en chant clair. Duo à la base, vocaliste, et un guitariste bassiste, et puis un membre de session entre guillemets permanent, puisqu'il s'agit de monsieur Kevin Paradis, bien sûr le batteur à tout faire, puisque c'est lui déjà qui a enregistré les précédentes sorties studio de Écorchure. Donc voilà, au niveau batterie, on vous le dit cash, ça cogne sec pour la zik de Écorchure, second EP qui s'intitule Galibo, sorti en autoprod, et on s'écoutera le titre Coup de poussière, et juste avant ça, Decline of the Eye, c'est parti. Just stay, one more face, what is wrong? Thank you. présenteront pour toucher leur dividende, feront réprimer ceux qui créent. À bas le capital, à bas les assassins. Coup de poussière. Coup de poussière. Allez, sans trop vous le spoiler, de la crasse et de la poussière pour la doublette suivante. Et au passage, le troisième focus. Donc voilà, je cède de nouveau la parole pour la troisième et dernière fois de l'émission d'aujourd'hui à l'ami Thibaut. C'est parti. Troisième et dernier focus de la soirée, et on s'intéresse à un groupe suisse qui nous vient de Genève, Stortrain. Un groupe formé en 2006. Alors, bon, déjà, Stortrain assume complètement sa filiation avec la scène suédoise, et plus particulièrement toute la scène Melodeath, puisque Stortrain est un mot qui est suédois et qui signifie « déluge ». Le groupe sort, à ma grande surprise, leur cinquième album. Alors je dis à ma grande surprise parce que c'est généralement un style auquel je suis assez réceptif à ce qu'ils font, et je suis passé complètement à côté de leur travail. Donc belle découverte, je suis assez content. En 2011, le groupe a sorti Uncreation, qui sera suivi de Evocation of Light en 2013. Alors ces albums-là, on sent encore des influences assez marquées, et notamment, on peut pas trop s'empêcher de sentir planer le spectre du monstrueux et terriblement regretté groupe Dissection. Influences qui disparaîtront tout doucement par la suite, en tout cas qui seront beaucoup moins marquées. Notamment dans les albums qui suivent, donc Singularity et Humpness Fills the Void, donc sortis respectivement en 2016 et 2018, qui rajoutent au fur et à mesure beaucoup plus de technicité et un son beaucoup moins chirurgical et beaucoup moins froid. Et finalement, ce cinquième album, qui s'intitule Impermanence, est sorti le 12 mars, et pour l'occasion, le groupe a signé sur le label The Artisan Era. L'album est accompagné d'une pochette que j'aime beaucoup. Alors elle est très fournie et très chargée, mais je la trouve réussie, et surtout moi j'y vois une espèce d'influence. Alors c'est peut-être moi qui hallucine complètement, mais je le sens influencé un petit peu par le tableau La Nuit Étoilée de Van Gogh, avec toutes ces spirales et tous ces astres dans le ciel. En tout cas, je la trouve vraiment chouette. Maintenant, concernant le contenu de l'album, alors on reste dans l'évolution de ce que les albums précédents ont proposé, c'est-à-dire un petit peu s'affranchir de ce que pouvait proposer le groupe avant, tout en apportant un peu plus de technicité. Donc on est sur du Black Death très mélodique, sombre, et pourtant assez technique et précis en fait dans ce qu'ils font. Une technicité qui est pas chiante, qui apporte vraiment beaucoup aux ambiances, qui sont complètement apocalyptiques, et on a vraiment quelque chose de grandiose et de qui dépasse l'entendement qu'on écoute, et je trouve ça vraiment très très bien foutu. Et effectivement, comme je le disais en début chronique, depuis deux albums et donc là trois, le groupe s'est réellement émancipé de ce qu'était Dissection, en apportant, toujours en ayant cette aura et cette influence qui vient de ce groupe-là, mais en ayant vraiment apporté un univers et une patte très personnelle, et c'est complètement louable de leur part. C'est très réussi, et franchement, je pense que je me procurerai les albums rapidement. Et pour conclure, le dernier focus de cette soirée, on va s'écouter un morceau de Stortrain. J'ai choisi pour ce soir le morceau Cosmos Eater. Personnellement, c'est un des morceaux que j'ai préféré de l'album. Il est vraiment ultra mélodique, très technique, mais il y a une ambiance qui est tellement prenante, enfin vraiment, j'ai réellement adoré ce morceau. Voilà Stortrain, le groupe de Black Death Suisse n'a plus de secret pour vous. Impermanence, c'est le nom de leur nouvel effort studio. On va s'écouter dans l'illustration, donc le titre Cosmos Eater. Et juste après, pour finir de mettre votre sono à plat, d'ailleurs j'espère que vous écoutez au casque ou aux écouteurs, hein, parce que là ça vous saignez à blanc. Gulch avec le second extrait de leur split sorti avec Sunami. On s'écoutera le titre Accelerator. C'est parti. We'll be right back. Doublette suivante, une doublette contemplative qui fait bien bien bien planer. Tout d'abord, Mare Cognitum, formation qu'on a déjà pas mal présentée ces dernières semaines. On va se couper le titre qui initialement fait plus de 11 minutes pour en faire une version éditée qui avoisine les 7 minutes. Voilà, tout ça toujours pour que ça rentre dans le format radio. Mais pour rappel, les titres qui sont un peu longs et coupés pour être diffusés à la radio sont diffusés en intégralité sur la version blog du lundi soir, pardon. Et puis tout ça pour vous donner envie, bien sûr, d'écouter le titre et même l'album en entier. Mare Cognitum, Solar Paroxysme, c'est le nom du nouvel effort studio. Et dans la foulée, je me suis clairement pris au jeu de cette formation que j'ai pris le temps de vraiment découvrir, Midnight Odyssey. C'est assez ouf, la richesse musicale, ambiance, tout. Enfin, c'est clairement le black au sens très large que j'adore. Biolume Partout, The Golden Orb, également une sortie chez I Voidanger Records. Midnight Odyssey, on va s'écouter le titre The Chains Become Mine, et juste avant Mare Cognitum avec le titre Antaresian. C'est parti. We'll be right back. Et on arrive déjà à la fin de l'émission d'aujourd'hui, hein. On balaye de côté toute la tendresse, la délicatesse, place à la violence et au raot de la plus belle des manières avec la doublette de clôture pour la troisième semaine consécutive, Ankerkeria et Ahara. Pour rappel, la particularité de ces deux formations, c'est qu'ils sont, ces deux groupes sont menés par deux vocalistes dans deux registres totalement différents, mais putain de bien exécutés. Tout d'abord, Ankerkeria, on est sur du Death, Trash Death venu du Brésil, Matriarch, c'est le nom du nouvel effort, une sortie en autoprod, Alice Mortis, c'est le titre du morceau qu'on va s'écouter ce soir, et dans la foulée, Ahara, là on est sur du Pure Black autrichien, comme j'ai déjà pu le dire sur les précédentes émissions, d'inspiration Dark Need Noter, Slother Cult, dans ce que peut nous proposer la chanteuse, une sortie des Bémur Morty Productions, Triad One EOS, c'est le nom de ce nouvel effort studio, et on va s'en écouter l'extrait Das Wunder. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous, et à dimanche prochain, ciao ciao.